Geeks, tous les demain, et m'aide à se courir. Où est-ce que t'agis, tous les toyas, nous t'as déguisé, pissioya. Yeah.